Chapitre 4e. Cette découverte fut celle de quelques-uns des diamants de M. Knopf, qui, à l'évidence, avaient été enfouis dans le sol par le voleur, tandis qu'il s'enfuyait à travers le jardin du numéro 22 de Fillmore Terrace. Au bout de ce jardin se trouve, d'abord, un petit atelier bâti par un des précédents propriétaires de la maison, puis, derrière cet atelier, un étroit terrain vague, large d'environ 7 pieds carrés, et où sont, çà et là, de grosses pierres. Or, quelques jours après le vol, Robertson, se trouvant justement avoir besoin d'une grosse pierre, va la prendre là. Il eut la surprise de trouver dessous plusieurs diamants. M. Knopf les reconnut comme lui appartenant, c'étaient des diamants parisiens, et il les porta aussitôt au poste de police. C'est alors que M. Howard décida de laisser le rôdeur anonyme en liberté. Une bonne idée. Si cet homme était soit l'auteur, soit l'un des auteurs du vol, ou il rejoindrait ses complices, ou bien il irait chercher le restant de son butin dans quelques cachettes. Inutile de dire qu'il serait consciencieusement suivi. Il devait mener ou à ses comparses ou aux diamants. Donc le vagabond fut mis en liberté. Il quitta la prison en se serrant dans son mince manteau, car l'après-midi était glacial. Il s'empressa d'aller prendre à la première taverne un déjeuner solide et bien arrosé. M. Francis Howard remarqua qu'il dévisageait soupçonneusement les entrants et les sortants. Il s'attarda à finir une bonne bouteille de vin, et il ne quitta la taverne qu'à environ 4 heures. Alors commença, pour l'infortuné M. Howard, une des poursuites les plus longues et lassantes à travers les dédales des rues de Londres qu'il se rappelle avoir faites. De Notting Hill jusqu'aux bouches de Hammersmith et à travers Shepherd's Bush, la page anonyme fit passer l'infortuné détective dans des endroits épouvantables, et cela sans se presser, entrant de temps à autre, boire un bon coup et se reposer en quelques cabarets, tandis que M. Howard restait à grelotter au dehors. Il tombait une bruine glaciale. Les réverbères clignotaient lamentablement. C'était une de ces affreuses nuits où il fait si bon demeurer chez soi au coin du feu, et où la joie d'être dans une bonne pièce tiède, sous le rond de lumière de la lampe, s'augmente involontairement d'une pensée égoïste pour ceux qui se trempent au dehors. Pourtant, l'espoir du détective grandissait de demi-heure en demi-heure, car l'homme s'efforçait évidemment de tuer le temps et peut-être aussi de déconcerter ceux qui auraient pu le suivre. À diverses reprises, il se retourna pour voir si on était après lui, mais M. Howard connaît son métier, c'est un suiveur hors pair. Certes, un dénouement était proche. Enfin, éreinté, à moitié mort de froid, mais le cœur battant, le détective constata que le rôdeur revenait peu à peu, avec de grands détours, vers Kensington. 11 heures du soir venaient de sonner. L'homme erra de long en large dans la rue haute, puis, après avoir semblé hésiter entre diverses petites rues transversales, il pénétra dans l'impasse d'Adam et Ève. Il ne se pressait aucunement. Il s'arrêta même au milieu du chemin afin d'allumer sa pipe, ce qui, par le violent vent d'est qu'il faisait, lui prit beaucoup de temps, puis d'un pas de flâneur, il continua son chemin vers le fond de l'impasse, avec M. Howard toujours sur ses talons. Bien entendu, plusieurs agents prêts à courir au premier appel se tenaient cachés dans cette impasse où les coins noirs ne manquent pas. Le vilain gibier n'était pas encore à moitié chemin que sur un petit sifflement de M. Howard, toute retraite lui fut barrée. Il se trouvait pris comme un rat dans une trappe. D'entre deux gros nuages, un peu de lumière lunaire tomba. Elle était propice, l'homme ne pourrait s'évader. Les murs des jardins projetaient une ombre étendue et épaisse, mais si l'homme escaladait un de ces murs, n'importe lequel, sa silhouette ne pouvait manquer d'être nettement aperçue. M. Howard était sûr que le voleur venait prendre dans quelque coin de jardin le reste des bijoux volés et qu'il allait se faire prendre en flagrant délit. Sous la menace d'une lourde condamnation, il nommerait ses complices. M. Francis Howard se frottait les mains. Certes, cette résolution lui vaudrait de l'avancement. Le plus grand silence régnait dans l'impasse sombre. Les minutes s'écoulaient. Si ce plan avait réussi, nous aurions lu de grands articles admiratifs sur l'astuce de notre police. Mais il échoua. Le vagabond disparut dans l'impasse comme si la terre et l'ombre l'avaient avalé. Personne ne le vit passer par-dessus l'un des murs. Personne ne l'entendit fracturer une porte. Et pourtant, les observateurs attentifs ne manquaient pas. Il s'abrita un instant de la lumière lunaire dans l'ombre des murs, et on ne vit et on n'entendit plus rien. Un des domestiques de Fillmore Terrace était complice. « Lequel ?» rétorqua le bonhomme dans le coin, en faisant un dernier et admirable nœud à son morceau de ficelle. La police a multiplié les efforts pour mettre la main sur le rôdeur qu'elle avait tenu ainsi quelques jours, puis lâché. Mais elle ne l'a jamais retrouvé, ni lui, ni les diamants. Elle a eu beau interroger et espionner tout le monde. « Ni vu ni connu, je t'embrouille !»